La maison d'édition de l'agriculture a salué son 70e anniversaire. Un rassemblement commémoratif s'est tenu le 25. On y a transmis le message de félicitations du comité central du Parti Travail de Corée adressé aux journalistes, rédacteurs et cadres de la maison d'édition. Le message indique qu'au cours des 70 derniers ans après sa fondation, dans les soins des grands leaders, la maison d'édition de l'agriculture s'est transformée en centre de publication et propagande fière des écrivains compétents et de meilleures conditions de rédaction et accomplit sa mission honorable consistant à inviter les travailleurs agricoles et les cadres à l'application de l'orientation du parti en matière de révolution dans l'agriculture. Après un rapport, il y a eu des interventions.